bu direct la buy wone ni rek ni def nako jeex na mais tekkuul ne dafa nek manam yeurmeundem c'est pas parce que minde fi yek nek mu war leena meuna yeurum motax ñu non yalla da am yeurmeune bu fi nit minde fi nekul won tamit mom moy rahman moy rahim te amna yeurmeune gu ne ci mom ku cause kasu grammaire rek c'est pas parce que minde fi ño fi nek motax ñu jéggelé muy xafu dede lo tax ci durratul kharida an-nazifi rahmalahu muhammad an-nazifi ibn abd al-wahid an-nazifi rahmatullah alayhima radiya anhuma indine ci wax ju am solo jo xamantene fatena ban téré lako toxale mais en tout cas mi ngi ci téré bob ci mom indinako ci durratul kharida muy wax ne muy wax ci téré mam kenn ci nit yalla bu muy netali mbir mi ni mu amé manam ni yalla bindé fi mune ndax turu yalla yi nek manam ak melomi turami surtout yenen tur yi lu demé nek khafur han lu demé ko rahim han lu demé nek malik et cetera yenen yi dañoo dajalo ne ñun batay suñu ki feñagul manam suñu ko mazhar manam li tax suñu champ d'action voilà fiñu appliquer wo ñun lolu feñagul ana nan lañuy def ñu né ah nañ dajalo kon nañu xawa parce que nañ laaj Allah parce que Allah mom mo dajalé bolem turi ak ki mom mo dajalé ñepp ñu laaj Allah nak wax ak ismullahil azam bu magge parce que Allah ismullahil azam la mais bu zahir bi la mu am Allah ismullahil azam bu batin bi légi nak ci le sama borom amalé mindé fi bu ko défé tour yoya sen champ d'action fegn té lolu amna benen wax benen buma faté wax ci baabi moy baabi da koy jundju benen wax bu suñu borom subhanahu wa ta'ala manam bim nan bi kana ma kana bi yakunu ma yakun ci man la li am di amé té ci man la li amé ji di amé ji li am ci man la amé manam mom yalla parce que ci lepp ci mom la lepp amé mom mo bind lepp mo amal lepp té far mom lay amé aussi ci dogalam ci katanam ci man manam ci sañ sañam ci bëgg ci nam nam mom ci lay lepp di amé subhanahu wa ta'ala wa bi yakunu ma yakun ba gogou do lol lay jundjala tamit ba wa bismillah lol dama ko faté won deng lay kon conséquence kon gis nañ ni conséquence kon ismu ci touru fok alors que mu'tazila yi dañu dédé mandarga rek la té lolou sik neeku ci né amul parce que lolou moy parce que ñom lolou li leen ko yobé moy dañ ni yalla amul ay melo yu né ci mom mom jëm kessé la amul melo yu né ci mom lepp limi def daf koy def par jëm par en fait lolou moy c'est logiquement moy c'est raisonnement logique en fait moy lepp limi def daf koy def par jëm ji la koy def amul melo yu ne ci mom yu ko def legui dessa fek kon cela veut dire que ni kon jëf ji su arrêté han su jëf ji arrêté moy tour wowo mu yélo won dootu ko amati appauvrissement des forces voilà han kon appauvrissement des forces dem voilà mi ngi melni tay ben kuñu faron directeur ci ben société DG de la société nangam ñu folé ko kenn doot ko waxati déjà parce que rôle bi amatu hein lolu moy manam lolu moy wax mu'tazila yi motax imam al-qurtubi rahimahullah néna seen wax ji di mo gëna bon té gëna ñaaw wax ji ñu wax nga al-qur'an dañ ko bind dañ ko créé seen wax ji ñu wax ji mo gëna bon mo gëna ñaaw balé wax parce que li rétrogradation ko rétrograde parce que ñu dugg dugg ci kawé di dem ci mo dañ ko voilà ba para daf ni dafa soso ñom dañ ni dafa soso te yalla amul dara lu soso ci mom du ci melom yi du ci turam yi lo tax nak asmaullah turu yalla yi tawqifi ya lañu lan moy tawqifi ya moy da ngay tok bañ ni la diira parce que lu am solo la motax borox xam yi wax na est ce que manam est ce que am nañu droit tay ma tok rek par exemple ne nangam day rafet nak est ce que mën na ko tuddé yalla manam est ce que meuna tok nan yalla moy ki damulos Est-ce que mën na tok né hein par exemple manam né yalla arif la est-ce que xam nga ni yalla kenn diko arif yalla dañ koy wax alim ak al alim yeb dañ ko koy wax kenn diko arif bokku na ci motax motazelé ñom ñom pourtant dañuy wax yalla mais alim nek gi mu nek borom xaw xam da fekk ne luñuy xam mo fi ne bis mu fi luñuy xam neketul dootul tuddu ta alim voilà ñom ci ñi gën ñom ñi gëna sanku ci ñi mësa exister ci kaw suuf ci lañ bokk wa wa légui té pourtant yalla tay kenn sañu ko wax arif té pourtant dañ nan xamna nangam ya arifu nangam mais kenn wax né arif la comme té par exemple innal khalaq yukhadi'una allah wa huwa khadi'uhum ñom dañuy wor yalla waya yalla dana len wor wala dañuy astaghfirullah dañuy diema nax yalla waya yalla dana len nax est-ce que taxna ñu né yalla kon mom khadi'a la manam est-ce que dagal na ñuy tuddu yalla nan ko khadi'a ki naxate hein xam nga dagal nun est-ce que yalla len innahum yakiduna kaydan ñom day ñeugay teureul li pexé wa akidu kaydan yalla neena man ma ngi teureul li pexé man teureul na pexé ba par est-ce que taxna ñu nan yalla kaid la manam aji teureul pexé xam nga lool dagal nun niki nonu tay buñ démé né yalla subhanahu wa ta'ala Allah yastahzi'u bihim yalla mi ngi len kokkal dana len kokkali est ce que day tek ne dañ nan mustahzi dañ ko tuddé aji kokkali kat bi yalla ne ghadib Allah alayhim yalla mere na ñi est ce que dagan na nga ne yalla kon ghadib la aji mer la nga tuddé ko yalla hein yoy yep ben dagam ci té pourtant yalla neena jëf jëm ngi koy def kon ci lañuy xamé ni touru yalla yi dafa am yo xamé tamé hein manam kon touru yalla yi tawqifiyé lañ do tok rek di wut sey touru bop ndax xol ni rafetna et cetera par contre dagan na lo xamantene léna na yalla ndako def ngani yalla def na nangam lol dagan na mais daganul nga wutal ko tour ci lola lool moy ben mbir benen masala lolo lu am solo la benen masala yi moy asmaullah dafa am luñuy wax subutiya am luñuy wax salbiya asma subutiya ak asma salbiya asma subutiya moy tour yalla yo xamne dañuy saxal am yo xamne tane dañuy dak comme tay buñ né bo né yalla xamna lepp alim bi kul shay kok day saxal ak xam xam bo né la yakhfa alayhi shay'un ak ma ana moy ghayra naka lako tata amna benen an aya ba bim nan yalla dara na bu ko amna aya bu ko wax amna nono amna benen aya bu wax né nekul ku ñaka xam wama faté nako mais manam bép tour bo xamné dal day dakk lepp lo xamné day dakk koku salbiya lañ koy wax bi ci dess mom lañ wax subutiya voilà comme par exemple benen bi moy tour yalla dañu xajalo ci tour asma jalal ak jamal jalal moy lan moy majesté jamal moy tar comme niñ ko waxe won sank comme tay bo xolé rahman rahim hein salam ak yoy yep hein ay touru jamal lañ hein tour lañ yo xamna jamal lañ légui bo xolé par exemple jabbar qahhar malik ha muntaqim koku jalal la tour bi nga xamne nak mom mo dajale jalal ak jamal han tour bi ko dajale moy zul jalal wal ikram borom ma gay ak teranga motax karim ma rek masalam karim halim yoyep ay ghafur yoyep ay jamal lañ touru jamal lañ ismu jalal ak ismu jamal la ñu am kon fofu non lañ leen di xamé wé ñom tamit niki non motax da ngay gis ar-rahman motax dinañ ñew sax inshallah ci jégué gi mu jégué allah ba tax zul jalal wal ikram ñew rek ci ci sar bobu légi kon touru yalla yi ay xet lañ yu bare bare da ci am nak 99 yu ñew ci alquran ñu asma allah husna li yentibi sallallahu alayhi wasallam wax lillahi 99 isma al mi'at illa al wahid faman ahsaha dakhala al janna hadith bo min sahih al bukhari ci benen riwaya bu nek ci sahih al bukhari tam faman hafizaha dakhala al janna yalla amna djuroom ñent fukki tour ak djuroom ñent mu bañ nga japp ne moy 99 mu bañ nga japp ne nombre bi li ci djublu mu ne la timir ba mu dess benna kon leer na mu ne kep ku ko pek da nga dugg al janna tour yoy ku ko pek day dugg aljana hadith la waw ñu saxal bukhari yentou sa sall ne kon ku ko pek manam moy lan lan moy ku ko pek moy ko xamantene xam na len xam mana yi xam melo yalla yi nekk ci bir ba pare jël ci ceeram mom jambi jël ci ceeram mom jambi moy lan moy par exemple bu xamé ni yalla moy rahman moy rahim te yoy ay melo yeurmane ño ci ne mom mu dadi sakku yeurm manam mom mu am yi xolu yeurmane bu xamé ni par exemple yalla par exemple moy jabbar bi tekki par exemple ñaari bu tekki le tek moy ki jagn ay dam dam ba pare day tekki tamit nga xamantene mom moy duma noni manam mo am doole ci kaw noni bu boba yow lola nga am ci ñaari mbir yoy yow nga am ci ñaar moy premier bi moy nga wacce sa bok ci kanamu yalla ndax moy jabar mom nga wacce sa bok ci kanamu yalla ben ñaarel bi moy ngay jagn dam dam doomu adamay boko bo ci mene dara ñettel bi moy par rapport ak nonu yalla yi nga bañ leen waaw lool manam turu yalla bu ne lool tax yeren tib sallallahu alayhi wasallam doon wax nan takhallaqu bi asma'illah bi khuluq bi akhlaq bi khuluqillah wala bi akhlaqillah de len jikko yalla yi manam yi ci yi nga xamantene mom do manam parce que benn bu ci nek ak nañ ci jikko comme jabbar par exemple budé le fait que ngay nek ku nek ci jami de nga di len notax yoy yalla bëggul lool mot han parce que budé jabbar ci nit ci yalla tagala mais budé ci nit mom moy grand banditisme lay tek moy un grand bandit inna la yahubbu kullu mutakabbirin jabbar yalla bëggul kuy ngand ngandulu ba paré voilà ba paré nek ko xamné jabbar la koku moy ci nit donc manam tour yalla bu nek da ngay xol nana nan nga koy lan mo ci ciir lolou moy kon baatu man akhsaha am boro xo xam ni ño xamantene rahmatullah alayhi te lolou inshallah seen wax amana moy gëna bax moy gëna deugar te mo upp yermande yalla mo gëna lamb ak yermande yalla moy man akhsaha moy man hafizaha comme benen riwaya bi lim wax man hafizaha kuko mokal kesse lolou rek la ci djublu manam kep ko xamantene xam na len bañi 99 mokal na len japp len te faté wu len day dugg aljar gaay la wax contraire ko xam 5e comme 99 han waaw non 5e bi aussi kuko xam day def waaw non kuko xam 5e bi voilà non waaw bobu waaw boy 90 parce que bobu lo ci ñaan yalla mu jox lako motax te lo ci bëgg yalla defal lako ko lu ñu wax lu ko tegi de han kenn ko jox lu ko tegi ko waaw Radio ki télé RDV dañ koy tek ñom mom lañu tejé 99 ah wa touru yalla yi wa la d'ailleurs mo ne ci tay firu wa liko dalati rahim ya maliku ba ci sabur ya rabbana yalla yoy la 99 après ci lay dogax bi sirri hadil asami salliyanna ala voilà amna luma faté d'ailleurs lu important li mom ko faté moy li gëna dëgeural ni basru yone liñ wax moy ni ismu ci sumu wu la joggé moy buñu ko tasghiré manam moy buñ ko toutalé tasghir moy tasghir nan lañ koy xati tuwa moy comme tay buma né maison maisonnette fi fi yett moy diminutif diminutif voilà légui lool boko tasghiré suma yi la lay jox voilà alors que hein te boko plurielé asma'u la lay dox lool mo lay wone bobu mo deuguer parce que be du lako dox suma du lako dox wa voilà donc lool mo lay wone kon ismu ci le ci sumu wu la joge manam li basri yone wax lool moy deug téré lool tamit bo xolé non seulement moy deug ci côté grammaire mais bo topé raisonnement bi mo lay yobu ci raisonnement ahlus sunnati wal jamaa deng kon lolu muy benen mbir ci walu ismu ci tour kon touru yalla yi 99 yoy kuko mokal legui nak mu dess len kon est ce kon nit dina ko mokal ba pare nek katchor nek bandi ba pare dem aljana lolu moy benen laaj bi dañ nan la sunu borom subhanahu wa ta'ala ci xereñam dana def ba kepp kuko mokal dana la tek ci yoon wi ba nga mel no xamantene da nga ca yelloye dem aljana ci yermandeef mu def benen affaire te lol c'est extrêmement important moy turu yalla yoy 99 yi du yu leer yo xamantene dañ nan 99 yi la bizat yi la ci seen jëm lu mata baye xel la leer manam du yo xamne dañ nan yi ni la exactement ñi ngi ni bi la ak bi ak bi ak bi ba ñu 99 amna hadith bu nekk ci sunan at-tirmidhi yo xamne yenn ci borom xam xam yi manam hasanal nañ ko mais hadith bi da'if la façon da'if la manam da'if dal li ëpp ci borom xam neena hadith bi wëru yo xamne indi na 99 ba mu jeex hein mais 99 yoy comme dara wëru ci jogi ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo lay wone 99 ijtihadiya la d'ailleurs lolo tax ngay gis téré yu bari da ngay dem ci bé téré gis mu indi 99 yi nga dem ci benen téré gis mu mankel bi duggal benen bi nek ci bi téré bi du nek ci bé lolo motax nga koy gis parce que lan la ijtihadiya la motax manam kenn ku ci nek yaay def sa ijtihad xol gis 99 yi nga japp ne yi la wara do légi mu dess est ce kon ku mokal 99 ci yoyu borox xam yi di wax rahmatullah alayhim hein est ce ku len wax ku wax 99 ben ci 99 yoyu ku ci mokal est ce day remplacer yenen 99 yu kenen bind parce que li ëpp ci yoyu par contre ñokoy nurolé parce que yi ci ëpp ñew nañ ci alcorane aussi parce que yi ci ëpp ñew nañ deng yi ci upp ñew nañ ci alcorane motax mais amna yo xamantene dañ ci wuté té lolu boy xol ki di ngi ko gis quoi boy xol soit maquette yi après nga xol par exemple tay fiir nga xol par exemple téré bu imam al-ghazali parce que dafa sharah sur ki asmaul allah husna yi daf lay sharah tuddé ko al asma wa voilà al asna nako tax al asna fi asma illah husna wala fi sharh asma illah husna tere bi ma ngeen mom fi al asna wa wala am ci ki maqasidul asna budé al qurtubi tamit rahmalahu binu ci tere tuddé ko non sharh asma illah husna d'ailleurs motax ci tafsiram bi asma illah husna en général du len sharh wa da fay wax rek ne bo démé ci sama tere ba maqasidul asna fi asma illah husna ma nga ca détaillé nako fofu wa kon donc kon lolu tamit lu mata baye xel la manam ci asma allah husna yi tur yalla yi keni ittihad yi la legi lenen benen laaj bi moy ndax ku ca mokal 99 ca yoya day jël taxawayu ku mokal manam day jël dal taxawayu yenen 99 yenen wala 99 yoy yu ñu xam la exactement li nga xamantene insha allah moy li gëna depo ak yërmëndé borom subhanahu wa ta'ala moy de 99 yo ca mokal day jël taxaway yo ca dess wa ala kulli halin jëfé leen mo am solo ak xamé melo ya ca né ak jëm leen bo leen mokalé nga japp leen téyélé té jëm xol ana lan moy manam surtout téré yu mel nonu téré imam al-qurtubi bobu wala imam al-ghazali rahmatullahi alayhi yoy non bokku na ci li dimbalaté ci ñu comprendre ci compréhension yi donte ak téré tafsir yi tamit dañ la ci dimbalé parce que ñom bu ñu yexé ci turu yalla dañuy détaillé et cetera ak yu mel non ci xam li lan moy tur bi et cetera lan mo ci ciiru doomu adama lan la koy jëfé et cetera ak yu mel nonu dal kon ala kulli hal yoy yu manam mata bayyi xel la légui nak kon ci kaw lolu fi benen affaire amna ci moy bismillah est ce que dañ nan manam amna ñu ne ismu bi zaida la manam dañ ko cey yok rek c'est comme si dañ billahi rahmanir rahim parce que lolu day ñew ci hein day faral di am ci comme ismu assalamu alaykuma voilà manam moy assalamu alaykuma dañ ko cey yok lok voilà manam ismu manam meuna nek manam zaida la voilà am ñu ne dedet ismu bi daf ci am solo da ci am solo legui lan motax ñu duggal fi ismu bi fi ci kanamu allah te waxul billahi rahmanir rahim c'est parce que mbolem aduna bi mbolem li ci xew ci ay turu yalla lay genné ismu feñ way lo gis comme niñ wax sank ci turu yalla lay doxé lool motax wallu yi nga xamne ñu maarifina billahi la xamnañ turu yalla lay deug ci turu yalla lañuy noté lepp d'ailleurs ci yu ndaw yi sax motax turu yalla yi benn bo ci jël di ci diko tuddu diko ci kat champ d'action am yépp dalay top lolo tax par exemple ngay gis ko xamne day tuddu par day sikar benn tour tour wo diko xëccël wërsek ki di sikar wéne tour wo diko jagnal noni ki di ki di tour sikar wéne tour wo diko defal ligue et cetera et cetera kon turu yalla yi manam parce que aduna bi ci turu yalla yi lañuy doxé lepp lo gis manifestation la ci turu yalla motax amna ci ko xamantene ya subhanallah xolo moy comme taha biñ la doon wax nga xamantene da rombu lu nga deg nga ki bi machine bi tourner rek mu ne ya deg turu yalla ba ndek ne turu yalla moy dawal machine wa han turu ya ñooñu nak dañuy dem arifina billahi dañuy mëna xam manam turu yalla yoy seen jinn way seen ballu way ni ñuy dox et cetera dañuy muju xam exactement lenn lu ci nek ban tour mo koy dawal ak nan nga koy jëfëndiko ba loola di soppé ko motax dañuy mëna tok di soppandiko ci mbir yu bari def tasarrufat man ay administration wala bok ay manipulation ci yenn affaire yi